Bonsoir à tous, c'est Magic aux commandes et ce soir, nouveau podcast rétro, ce sera le numéro 1. Et ce soir, on va parler de l'Euro 84, Euro qui s'est passé en France et qui a vu la victoire, bien sûr, de l'équipe de France. Avec moi, j'ai plusieurs intervenants. J'ai Gabi, salut Gabi. Ouais, salut Nico et salut à tous. Ouais. Salut Rétro. Salut. Ça va. Et puis avec moi, j'ai Johan, salut Johan. Salut Magic et bon et salut à tous. Voilà, bah écoute, si tu veux, comme c'est un petit peu le petit nouveau de l'émission, présente-toi. Qu'est-ce que tu j'ai vu que tu avais une page Facebook, tu t'occupais aussi pas mal de. Enfin que tu aimais beaucoup le foot féminin et puis que tu te connaissais pas mal le football. Vas-y, je te laisse te présenter un petit peu si tu veux. Bah donc je m'appelle Johan, j'ai 29 ans et donc 1987, hein, la génération 87. Oui. Ce qui est pas forcément une référence. La mais meilleure. Bon, oui. Voilà. Donc ouais, je suis un passionné de foot depuis ma plus tendre enfance, depuis les années donc 90, même début des années 2000 où je me suis vraiment mis à fond dans l'histoire du foot. Pour être précis. Et c'est vrai que bah, voilà, j'ai eu beaucoup de bouquins, tout ce qui était les VHS et autres, les émissions qui passaient. Enfin voilà, j'ai vraiment dévoré un peu tout ce qui arrivait à ce moment-là. Et puis c'est vrai, le foot féminin depuis 2011, on va dire. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup aussi, et je me suis également intéressé à l'histoire qui est beaucoup plus courte mais qui est tout aussi intéressante, parce que ça n'a pas été facile pour elle de s'imposer dans un univers masculin. Voilà, puis disons que ça n'a pas commencé dans les années 90, ça a commencé bien au-delà. Oui, tout voilà. À fait. Dans les années 70, d'ailleurs, pour ceux qui possèdent, je crois, je sais plus si c'est 1976 ou 78, les albums Panini, il y avait la présentation de l'équipe de France féminine à l'époque. Puis bah on va présenter Rétro, présente-toi aussi, parce que pour ceux qui te connaîtraient pas, une petite présentation rapide. Et bah moi, Rétroplay 80, donc comme mon nom l'indique, mon gros délire à moi, c'est les années 80, parce que je suis né en 72. Et effectivement, voilà, donc j'ai vécu avec ce football-là et donc je le recrée sur console et voilà, pour essayer de revivre ça le mieux possible. Voilà, d'accord. Et puis Gabi, vas-y, présente-toi aussi. Ah bah moi je suis surtout un fan des années fin années 80, début années 90 du football. Et bon après je suis surtout fan de Platini aussi pour tout ce qu'il a apporté au football français. Et j'attends de vous en fait que vous m'éclairiez sur cette période de 84 que j'ai pas trop connue vu que j'avais 7 ans. Donc moi j'ai commencé à regarder le foot en 86 vraiment quoi. De toute façon, ce soir, ce sera plus Rétro qui va nous éclairer, parce que moi, je suis né en 85, Johan en 87, donc voilà, nous, on sera plus spectateurs. Après, bah, ça n'empêche pas que vous pouvez aussi, avec ce que vous avez pu voir depuis le temps, de réagir. Il n'y a pas de souci avec ça, de toute façon. Hein. Ouais, donc, heureusement, il y a eu quand même de nombreux ouvrages, cassettes VHS... Même des émissions, des rétrospectives. Des émissions qui sont revenues tout au long du temps sur cette formidable épopée. Oui, c'est vrai. Et moi, je me souviens, la première fois que j'ai écouté que j'ai vu les premières images, c'était une rétrospective qu'ils avaient fait pour l'Euro 96, je me souviens, mais je m'en rappelle plus sur quelle chaîne c'était. Ils avaient refaire la rétrospective complète de l'équipe de France. Et c'est là que moi j'ai vu la première fois l'équipe de France dans un Euro, parce que Euro 92, je m'en souviens presque pas. Puis franchement, c'était vraiment un Euro pourri. Hein. C'était pas mémorable. Ah non, c'était pas mémorable. Et puis 88, ils n'avaient pas participé. Donc voilà. Ouais. Donc on va commencer juste avant l'Euro déjà. Avec il y a eu cette fin 82 terrible avec l'élimination en demi-finale et puis une troisième place en Coupe du Monde qui a pas été vraiment jouée avec le cœur. Ça, c'est moins qu'on puisse dire. Voilà. C'est vrai que Platini, il avait d'ailleurs, il y avait eu des déclarations en ce sens, on dit on s'en fiche un peu de cette troisième place. Ils étaient complètement, le cœur n'y était pas, clairement. Et Voilà. même ceux qui, et même les remplaçants, puisque c'était l'équipe de remplaçants qui jouait, René Girard notamment, et Alain Courriol, Ouais, qui avait marqué en plus. qui, ouais, les deux avaient marqué, je crois. Et eux aussi, bon, il y avait Girard qui avait donné l'exemple, on va dire. Mais moi, ce que je retiens de ce match, c'est que le pauvre Jean Castaneda, il y a eu deux buts sur les trois quand même qui sont un peu pour lui. Notamment une sortie sur le deuxième but, sur un corner qui n'était pas extraordinaire. Et puis surtout son placement absolument bizarre sur le. Enfin, sur son placement sur le coup franc, je ne sais pas si vous vous rappelez de Kupchevich, qui il le met premier poteau et il s'attendait au centre. Et malheureusement. Il a pas senti le l'anticipe il a pas anticipé le tir. Donc le pauvre Castaneda qui pour son seul match à la Coupe du Monde, alors que Ettori fait les prestations qu'on connaît, malheureusement Il n'a pas assuré, Oui, ouais. il n'a pas assuré. Pas tellement assuré, le pauvre. Et donc après on commence une saison ensuite après cette défaite entre match de la troisième place, l'équipe de France rejoue contre la Pologne, ça devait être à Varsovie, je crois, Non, je ou au crois que Parc des c'était Princes. au parc, ouais. Au parc, et puis bon, défaite 4-0. Et puis à partir de cette défaite-là, l'équipe de France va faire des matchs avec plusieurs victoires. Il y aura des matchs nuls. Ils connaîtront qu'une seule défaite, ce sera contre le Danemark en 83, je crois. Défaite Pour la 3 buts à première de 1. batte. Voilà, en première de batte, ouais, défaite 3 buts à 1. Et après, ce sera aucune défaite pendant jusqu'à fin de l'année 84. Il y aura que des victoires ou quelques matchs nuls juste avant. Et donc on arrive à ce 12 juin. On va même avant le 12 juin, on va parler un peu de la composition de cette équipe de France. On retrouve trois gardiens. Bon, ça c'est habituel. Joël Batz qui va jouer tous les matchs de toute façon. Philippe Oui. Bergerot et Albert Rust. Voilà, ce seront. De ce que j'ai remarqué, tu peux me confirmer rétro, ce sera les deux seuls joueurs qui. Enfin, Albert Rust et Bergerot seront les deux seuls joueurs qui ne joueront pas du tout de ce tournoi. Oui, enfin de mémoire, oui, je pense que c'est le cas. Voilà. Mais c'est vrai que ce qui est, c'est avec le recul, ce qui est nouveau dans cette équipe de France en 84, c'est que tu as un groupe qui est beaucoup plus complet qu'en 82, Ouais. c'est-à-dire même au niveau du banc. Alors qu'en 82, effectivement, Johan l'a justement dit, les remplaçants face à la Pologne ont été déjà n'avaient pas le niveau et puis surtout n'étaient pour certains n'étaient pas concernés. Moi, je me rappelle des déclarations du regretté Philippe Mahut qui avait dit en fait, moi, je suis allé en Espagne. Si on m'avait dit que c'était les vacances, enfin, toi, il avait ironisé là-dessus. Il avait dit, je savais pas que j'étais en vacances déjà pendant la Coupe du Monde, quoi. Donc après, je pense que malheureusement, Hidalgo a eu un peu de mal à gérer son groupe à ce moment-là. Ah, et puis il a dû à gérer aussi l'histoire entre Larios et Platini. Exactement, exactement, parce que on parle de Knysna, bon, qui est une honte Une totale pour le aberration, français, ça, c'est clair. mais il y a eu quand même en 82 des turbulences. Parce que tu avais un Michel Platini, moi c'est mon idole, hein, Platini, donc j'en dis que du bien, mais Bien c'est sûr. vrai qu'il a un peu, entre guillemets, vampirisé le vestiaire. Bon, c'est normal, c'était un leader. Oui, voilà, c'est. Et il avait clairement plus ou moins mis un ultimatum à Hidalgo en lui disant, de toute façon, Larios ne joue pas la Coupe du Monde, c'est tout. Ouais, Il joue en très gros, c'est peu. lui ou moi, quoi. Voilà, c'est lui ou moi. Donc voilà, et donc Larios, quand il joue contre la Pologne, tu penses bien qu'il n'en a rien à secouer, Larios, de jouer. D'ailleurs, il l'a dit souvent. Donc, et on n'avait pas de gardien, on en a déjà parlé dans un récent Ah podcast. oui. On n'avait pas de goal, et effectivement, Castaneda, que j'ai toujours beaucoup aimé, mais malheureusement, il était aussi pas très bon. Donc on avait. Et puis on avait un Baratelli qui lui faisait la gueule puisqu'il ne supportait pas qu'il était troisième gardien. En plus, ouais. Donc. En 82, il faut quand même savoir que derrière l'image magnifique de ce groupe qui était vraiment, qui avait le potentiel pour faire quelque chose de grand, il y avait quand même une sale ambiance. Bon, après, je pense que malheureusement, dans le football, c'est souvent le cas. Oui. Mais en 84, ce qui a changé, c'est que déjà, on a un vrai gardien de but, Joël Batz. Oui. Voilà. Et on l'a vu hein, cette année, malgré qu'on ait perdu en finale, on a quand même Hugo Lloris qui nous emmène, parce que si tu mets quelqu'un d'autre, et là je suis pas là non plus pour être désagréable, mais tu mets Costil dans les buts ou tu mets je sais plus qui d'autre. Bah il y avait Mandanda dans en gardien numéro 2. Voilà, on passe pas. Bon, Mandanda, je dis pas, bon, mais un grand gardien, c'est important. Les grandes équipes ont toujours eu un grand gardien. Oui. Effectivement, Bats à ce niveau-là, à cette époque-là, il était vraiment au top niveau. Il allait signer bientôt au PSG, je crois. Voilà. Ouais, donc, 84, ouais, il était encore à Auxerre et c'est voilà. Je crois, l'année d'après qu'il va au PSG. Voilà, c'était le meilleur gardien qu'on ait eu depuis bien longtemps. Ouais. Et il était au-dessus de toute cette génération qu'on avait, Bertrand Doman, Baratelli, Ettori, Castaneda, c'était un niveau vraiment au-dessus. Dropsy aussi. Déjà, on avait une assise vraiment là-dessus. Et puis on avait un groupe beaucoup plus étoffé, c'est-à-dire qu'au niveau du banc, eh ben, t'as des joueurs qui ont intégré le banc de touche, comme Didier Six, par exemple, qui était des Tauliers en 82, en 78 aussi. Mais voilà, on avait un banc qui était vraiment fourni. T'avais du Ferreri, t'avais du Bellone, t'avais du Yvon Leroux, enfin, t'avais vraiment un banc qui était très, très, très bon. Et d'ailleurs, on l'a vu, Jean-François Domergue contre le Portugal, c'est un remplaçant, il met deux buts. Ouais. Ouais. On en reviendra de toute façon, on en reviendra de. Ça fait une Thuram. Voilà. Ça fait une Thuram, mais les mecs, quand ils sont rentrés, voilà. La différence, c'est que les mecs qui rentraient, ils étaient là, ils étaient au niveau. Et forcément, on avait tous les ingrédients pour le gagner, ce tour-là. Et justement, voilà ce que je voulais savoir, parce que bon, bah du coup, moi je sais pas. Est-ce que l'équipe de France partait favorite pour cet euro alors ? Alors, moi j'essaye de me rappeler à l'époque, j'avais 10 ans. Ouais. Bon, les télés, si tu veux, n'en parlaient pas énormément. Moi, ouais. Les infos, on les avait dans les 11, dans les mondiales. Parce que 11 mondiales n'avaient pas fusionné encore. Pas fusionné, ouais. Dans l'équipe, dans France Football. Et là, effectivement, les journalistes te faisaient comprendre que. Avec ton milieu de terrain, voilà, qui était toujours au Platini, Giresse, Tigana, plus tout ce qu'il y avait derrière, on était quand même, on avait une chance, on était chez nous, ouais. Et on avait quand même, on faisait partie, oui, du carré final. Ça, c'est bon, il y avait que 8 équipes, faut le savoir. D'autant que parmi les absents de cet Euro, il n'y avait pas les champions du monde en titre. Voilà. Oui, alors ça, grosse surprise quand même, l'Italie n'est pas présente dans cet Euro. Voilà, il n'y a pas l'Italie, mais il y a quand même la RFA. Ouais. On est bien. Et il y a le Danemark qui est vraiment une très très bonne équipe à ce moment-là. Justement, donc ils avaient perdu, ils avaient un petit peu peur de cette équipe voilà. Pour le premier match parce qu'ils avaient perdu 3-1 en match amical. Et, c'est en vrai plus, que... et en plus, voilà, on se retrouve contre eux dans le même groupe, on les joue en match d'ouverture. Ils ont des joueurs fantastiques comme Eker Larsen, Lerby qui joue à l'Ajax, enfin qui joue tous ces joueurs qui jouent dans les championnats. Alors beaucoup jouaient aux Pays-Bas. Oui. Mais à l'époque, alors c'était un peu le déclin hein, ces années-là de l'Ajax et tout ça, mais tu avais quand même des joueurs qui étaient vraiment très très bons, très physiques. Et oui, on avait sorti ça. Il y avait une équipe d'Espagne qui était vraiment sur une pente ascendante par rapport à 82. Ouais. Voilà, tu avais un football yougoslave qui était aussi bon, un peu mitigé, mais qui nous faisait peur parce que voilà, ils avaient quand même des grands joueurs, Susik, Surjak, etc. Enfin, des vraiment joueurs très athlétiques. Mais malgré tout ça, oui, on est chez nous. Et les journaux à l'époque te disent que la France, de toute façon, veut gagner l'euro. Donc c'est l'objectif. Voilà, c'est l'objectif affiché. Et à cette époque-là, donc, c'était retransmis à la télé. Tout était en direct. Oui. Et c'était quoi, en Antenne 2, France, TF1. Ah bah, TF1, Antenne 2, c'était varié. Ouais, d'accord. Voilà. Alors. Les moyens n'étaient pas du tout ceux d'aujourd'hui. À l'époque, il n'y avait pas de produits dérivés, si tu veux. Ouais, bah, c'était peut-être pas plus mal. Il n'y avait pas de coupeur pub, il n'y avait pas de sponsor, il n'y avait pas d'émission de débriefing après les matchs. Hein. C'était complètement un autre univers. Les débriefings, excuse-moi de revenir dessus. De toute façon, les débriefings fin d'avant et d'après match, c'est Canal qui a presque inventé ce système. Voilà, tout à fait. Ça n'existait système, pas ouais. À cette époque-là. Hein. Mais donc, à l'époque, oui, tout était retransmis à la télé. Alors, de mémoire, hein, je veux pas te dire de bêtises. Bien sûr, les matchs d'équipe de France étaient tous retransmis. Ouais. Les autres matchs, honnêtement, j'ai un doute. D'accord. Alors, on va On va parler. Alors, juste avant de parler du groupe de la France, j'en parlais avec Johan la dernière fois. Il m'a fait remarquer à juste titre que le groupe B, donc il y a l'Espagne, le Portugal, l'Allemagne de Enfin, l'Ouest et la la Roumanie. Roumanie, c'est le groupe de un peu de la mort, à part la Roumanie, mais c'est le groupe de la mort. Voilà. Sauf que ben en regardant les résultats, ça n'a pas été un Et groupe. les comptes rendus, parce que Voilà. je me souviens qu'il y avait un bouquin, bah justement, vous savez, les bouquins qui passaient à la fin de la saison, donc sur l'année Ouais. 83-84, donc qui parlait de l'euro. Il y avait un type, un journaliste qui s'appelle Bernard Verret, je m'en souviens encore, et donc il faisait les comptes rendus, on va dire, des matchs du groupe B. Et quand tu lisais le truc, moi je rigolais, mais tellement le mec, les matchs c'était en gros des purges, hein. C'était très défensif. Les scores, déjà, il y a, Bah, il n'y a je pas eu de crois, le gros match le score, plus. hein. Le plus gros, c'est Allemagne de l'Ouest, Roumanie, 2 buts à 1, Ouais, quoi. 2 C'est buts à 1. voilà, c'est là où il y a le plus de buts. Le Roumanie-Portugal, où ça s'est fini un partout. 1-0 En pour. gros, le match se résume à 15 minutes de jeu et le reste, c'est la passe à 10 des deux équipes. Espagne-Roumanie plutôt alors. Ouais, Espagne-Roumanie, ouais, c'était l'un des deux. Mais c'était un truc, alors qu'il y avait quand même des joueurs qui étaient connus, on va dire, et qui manquaient pas de talent dans toutes les nations. Et on a vu avec le Portugal que ça jouait plutôt bien, hein, par la suite. Mais en gros, comme je l'ai dit à Magic, il y avait ce groupe B où c'était ennuyeux à souhait la plupart des matchs. Ouais, il y a des matchs qui se terminaient à 90e minute, ça calculait. T'as la RFA qui, à un moment donné, a calculé en disant, bon, on fait 0-0, on est qualifié. C'était contre le Portugal, et Néné marque à la 90e minute. Et donc du coup, bah, c'est le Portugal qui passe. Et de l'autre côté, le groupe A, avec la Belgique, la Yougoslavie et donc la France et le Danemark, bah ça jouait dans tous les matchs. Et ça jouait bien, et il y avait du beau jeu, il y avait des joueurs qui c'était le football offensif, quoi. Voilà. Et donc je reviens sur ce groupe B, grosse surprise tout de même, l'Allemagne de l'Ouest qui passe pas. Et Ouais. pourquoi, enfin pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Ah, bah, Changement dis-moi. d'effectif, qu'est-ce qui se passe en fait? Tu retrouves quand même beaucoup de joueurs de 82, hein. Ouais. Schumacher est là, Rummenigge est là. Non, je pense que les Allemands, bon, ils n'étaient pas au meilleur de leur forme, mais surtout, ils étaient trop dans le calcul. Parce qu'il faut pas oublier qu'en 82, bah voilà, contre l'Autriche, c'est un calcul pour passer. Ouais. Donc eux, ils sont dans leur logique, les Allemands. Ils se disent, bon, ouais, l'Espagne, c'est d'un autre niveau que l'Espagne de 82. Le Portugal, c'est très technique. Et les Roumains, il faut savoir que le fleuron de la Roumanie à l'époque, c'était l'Université Craiova, tu vois, ce Ouais. genre de club, Ouais. qui en Coupe d'Europe nous faisait très mal dans les années 80, puisque Bordeaux et Monaco s'y sont cassés les dents, tu vois. Mais c'est des joueurs assez techniques, et puis surtout très virulents. Enfin, ça joue un peu comme les Bulgares, tu vois. Ça joue physique, ça met des coups, c'est intimidation. Donc les Allemands, ils se retrouvent dans ce groupe-là, et puis ils se rendent compte que ils sont pas très au sommet de leur forme. Donc ils ont un peu, c'est pas qu'ils ont peur, mais ils sont pas en confiance. Et tout le monde se craint, je pense, dans ce groupe-là. Dans ce groupe B, tout le monde se craint. Et finalement, ça joue pas. Alors que dans le groupe A, moi, l'idée que j'en ai, c'est que les Yougoslaves, je pense, ont vite compris avec les Belges. C'était un peu à la ramasse, tu vois ce que je veux dire. Parce que la Belgique en prend 5 contre la France au deuxième match. Donc ils La savent, la Yougoslavie en Belgique, prend ils 5 vont. contre le Danemark en plus. Oui, voilà. Donc la Belgique, ils savent très bien qu'ils sont pas bien. C'est plus la Belgique de 82 non plus, tu vois, il y a quelque chose là. Et les Yougoslaves, c'est pareil. Ils ont des individualités, mais le collectif prend pas. Donc tu vois tout de suite dans ce groupe-là, et quand tu vois le premier match entre la France et le Danemark, tu vois tout de suite ces deux équipes-là, elles vont passer, tu vois. Oui. Et donc Alors que on. dans le groupe B, ben, c'est chacun, tout le monde se regarde un petit peu comme ça, donc ça joue pas, c'est des matchs un peu de purge, quoi, effectivement. Ouais. Donc on va arriver au premier match de l'équipe de France. Donc bon, on va pas s'attarder dessus parce qu'on a dit à peu près le principal. C'est un match qui se joue comme avait. Je regarde là, c'est le Figaro de 84, c'est marqué en gros titre, La France à l'arraché. Ouais, Voilà. tout à fait. 1-0, premier but de Platini. C'est vrai que c'est un match assez difficile quand même. Fait du match aussi, fait du match, c'est l'expulsion d'Amoros. Oui, il y a un autre fait de match aussi. Ouais. Je crois que c'est Alan Simonsen qui se casse la jambe Ah oui. sur un choc avec Yvon Leroux. Ouais. Donc Simonsen, c'est un mec. Alors je pense que c'est lui, hein, je ne veux pas dire de bêtises. Si quelqu'un me voit que je dis une bêtise, il me le dit. Je crois que c'est Alan Simonsen qui était un grand joueur fin des années 70, tu vois, qui a Ouais. joué à Barcelone. Hein. Ouais, il était C'est aussi un en grand Allemagne à un nom. moment donné, je crois. Voilà, c'est à Mönchengladbach, je crois. Ouais, c'est ça. Donc, c'est un grand nom du foot, le mec. Hein. C'est une Crois... icône, c'est une légende. Je me Voilà. demande s'il n'y a pas été Ballon d'Or fin 60, Oui. genre 78, 79, un truc comme ça. Enfin, je Exactement. sais plus Il a été exactement, mais. Ballon d'Or. Donc, si tu veux, c'est son baroud d'honneur, l'Euro 84. Sa carrière, elle s'arrête là. Et le mec, c'est lui qui emmène le Danemark, qui est censé être le taulier. Et il se pète la jambe dès le premier match. Ouais. Et Amoros, bien sûr, qui pète un câble. Coup de tête. Voilà. Et bon, la chance est avec nous, puisque une frappe de Platini rebondit sur la tête, détournée par la tête, le crâne d'un joueur qui trompe son propre gardien. Ouais. Voilà. Mais c'est un match très très difficile, très intense, très physique, et face à une super équipe du Danemark. Donc voilà, on arrive à gagner. Donc déjà, les circonstances sont pour nous, quoi. Voilà. Notez que Platini a pris un carton jaune tellement, enfin, après la joie, il est allé au-devant des supporters tellement, voilà, la libération du premier but, il fait cette petite, une glissade sur le dos tellement il est content, et quand il revient, il prend un carton jaune. Alors c'était déjà on recevait déjà des cartons à l'époque parce que dès qu'on sortait du terrain. Ouais, Ah ouais. Moi, je c'était à croyais que peu près ça c'était pour plus faire. tard que ça en fait. D'accord. Bah, c'est à l'appréciation de l'arbitre, hein, comme tout. Mais Oui, voilà, c'est vrai. tout à fait. Toujours l'appréciation de l'arbitre, ouais. Voilà. Ok. Donc on arrive maintenant, donc victoire de la France, déjà qui se lance bien dans cette Euro. Ensuite vient le match de la Belgique, et c'est vrai que comme on pouvait s'y attendre, non, mais c'est vrai que la Belgique, le dernier Euro, c'était en 80, ils avaient terminé finaliste. En 82, ils avaient terminé. Non, qu'est-ce qu'ils avaient fait quoi? Ils passent le Ils avaient premier battu tour et ils sont l'Argentine. éliminés après. Ouais, voilà. Bon, mais c'est quand même une équipe assez redoutée, la Belgique, à l'époque. Non? Oui, Ouais. mais là, ce groupe-là, il est moins fort que beaucoup moins fort que voilà que celui de 82. Donc Ouais, il y a voilà. le jeune Enzo Schifo Ouais. qui est là, mais il est encore beaucoup trop. Il est encore très jeune, donc il n'a Ouais. pas encore le rayonnement qu'il aura par la suite. Et là donc la France explose la Belgique 5-0, et c'est peut-être un des matchs les plus complets de l'équipe de France depuis un sacré moment, quoi. Oui, parce que Giresse marque, Fernandez marque, donc les milieux de terrain marquent aussi, c'est pas que des buteurs qui ont marqué. Et t'as vraiment un collectif, là la France c'est un rouleau compresseur. Tu revois le match aujourd'hui, c'est un rouleau compresseur, et il n'y a rien à dire. C'est un des plus beaux matchs, oui, le plus accompli, oui, de la Très compétition. belle ambiance à la Beaugeoire qui avait été refait exactement, Bah, enfin qui a été pour fait, qui a été qui a créé, été ouais. fait, pardon, oui, excusez-moi, qui a été Oui, fait pour. d'ailleurs, la Beaugeoire, c'est le seul stade qui sera construit. Hein. Oui. Les autres ont été aménagés, alors même pas tous. Saint-Étienne, il y a la tribune principale qui a été refaite. Mais la Méno et Gerland n'ont pas du tout été refaits. Hein. Ils ont été pris tels quels. Hein. Ouais. Donc Voilà. Et Marseille a 5-0, été refait, Vélodrome a oui. été. Ouais, mais voilà, pas comme il voulait déjà. Vite fait, vite Ouais, fait, quoi. c'est ça. Et donc deuxième victoire de l'équipe de France, qui veut dire qualification pour les demi-finales. À noter Et aussi que pour ce match-là, Hidalgo avait innové en faisant un 3-5-2 en mettant notamment ailier, enfin ailier, tu sais, sur un côté Luis Fernandez, ce qui était ouais. un coup tactique qui était D'ailleurs, quand même intéressant. il a refait ça contre la Yougoslavie, ça a été un fiasco. Oui, voilà. Ce qui lui a fait dire, en fait, ce qui est valable pour un match ne l'est pas le match d'après. Hein, donc. Ouais. Voilà. Et à noter, 3 buts de Platini. Voilà, Un du droit, un du gauche, un voilà. du droit et un de la tête. Ouais, il y a un penalty, donc Ouais, le ouais, pénalty du c'est droit, ça. du coup. Ouais. Ouais. Et Et un de la une tête à la 88e minute. belle tête Donc, plongeante en plus. premier triplé de Platini dans cet Euro. Et vient ce match contre la Yougoslavie. Alors bon, on peut pas dire que y a rien à jouer. Il faut quand même le jouer, ce La match. première place du groupe quand même. Voilà, exactement. Victoire 3 buts à 2, triplé De Platini, en plus, il revient. C'est peut-être la première fois qu'il revient, hein, c'est ça, Geoffroy Guichard, depuis son Ouais, c'est départ. la première fois, ouais. Trois buts. Il pouvait pas mieux faire rêver les anciens, enfin les supporters de Saint-Étienne, marquer trois buts avec l'équipe de France à Geoffroy Guichard, mais ce match n'a pas été bon. Ouais, c'était une équipe de France à réaction, on va dire. On n'a pas su poser le jeu et on est mené, bah, je crois qu'on est mené 2-0. Hein. Non, on est mené 1-0, une belle frappe de Cestit, je crois. Je sais On est mené plus. deux fois, je crois. Ouais, on est mené deux fois. Non, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est mené. Et à partir de la deuxième mi-temps, quand il y a eu un changement tactique, on revient au 4-4-2 avec le carré magique et tout, la France entre dans une période de rouleau compresseur, on met trois buts, ou Ah oui, Platini met voilà, ses c'est trois ça, buts ouais. en peu de temps. Ouais, il y a un Et pénalty après. donc après, il y a un petit relâchement, il y a eu un pénalty pour la Yougoslavie, que dans un premier temps, Joël Batz Ouais, arrête, mais on ne sait pas pourquoi exactement. il a été retiré, et puis finalement, le Yougoslave le marque à nouveau, enfin le marque, et donc ça fait 3-2. Et à noter aussi que il y a le médecin de la Ouais. Yougoslavie qui a été victime d'une crise Et qui cardiaque. décède pas longtemps après. Ouais, il décède pas longtemps après. Donc il s'en est quand même passé des choses dans ce match. Oui, ça c'est sûr. Et donc ben un chaudron en feu pour ce match. Et donc là, ben, l'équipe de France termine première de ce groupe et rencontre donc en demi-finale le Portugal. Voilà. T'es toujours avec nous, Gabi, excuse-moi. Hein, Non, je t'écoute, il n'y a pas de problème, hein, je sais t'écoute. Tu écouter. veux rajouter quelque chose dessus? Non, non, mais pas. C'est vrai que par rapport au stade, c'est vrai que ça m'avait étonné le côté champêtre à l'époque, de revoir des images et de voir seulement le vélodrome avec plein de sièges debout en fait dans les virages, avec quelques sièges aménagés. Il n'y avait pas vraiment de tribune présidentielle. Quand tu vois Gerland, c'est pareil, c'était que du béton dans les virages. Niveau sécurité, fallait pas qu'il y ait de soucis, je veux dire, quoi. Ouais, et souvent il y avait beaucoup plus de monde qu'il n'y avait de place assise, donc du coup comme l'année d'avant le PSG pour PSG WaterSky c'était genre 49 000, c'était les mecs ils devaient être tassés. Parce que quand c'est l'année du Hesel en fait aussi, c'est ça, je crois. C'est Non. l'année d'après le Hesel. L'année d'après, C'est ouais, l'année d'après. 85, ouais. Donc tu vois, les hooligans, ils étaient déjà bien chauds là. Mais heureusement, il n'y avait pas les Anglais. Il n'y avait pas les Anglais, heureusement. Hein. Ouais. Non mais Bah, sinon pour. ils étaient venus au Ouais. parc en début d'année. Oui. Oui. On gagne 2-0, doublé de Platini, encore une fois. Le match d'ailleurs pas retransmis à la télé, en direct, Ouais. soit dit en passant. Et les hooligans, c'était illustré. Ouais, je m'en Comme rappelle de ce match. d'habitude, ouais. Et Bizarre. sinon pour j'avais Oui, entendu voilà, c'est très étonnant. pour le la RFA, je veux dire qui était là. Toutes les années, là j'ai remarqué là, à l'Euro, ils étaient pratiquement demi-finalistes et finalistes hein, depuis les années qui vont suivre après. Hein. Ils ont été présents sur tous les Euros et Mis à en part fait. l'Euro 2000, finalement. Et quand tu vois aussi leur parcours dans les Jeux Olympiques avec tous les problèmes qu'il y a eu, tu peux te poser plein de questions quoi. C'est hallucinant quoi. Comme il dit Rétro, c'était pas une équipe qui jouait bien, qui calculait beaucoup et qui calculait par rapport surtout à sa capacité physique à finir des matchs. Et je veux dire, ils jouaient pas forcément bien, mais ils usaient l'adversaire mentalement et physiquement quoi. C'était une équipe Fait. assez moche à regarder quoi, mais qui était toujours là dans le dernier carré quoi. C'était assez Il était horrible. très Ah bah c'était pragmatique à bien. chaque fois, oui, effectivement. Alors j'avais remarqué que l'équipe de France, c'est pareil, c'était son premier euro depuis 1960, mais les anciens euros, il n'y avait pas de groupe comme il a pu se faire à cette époque-là. C'était plus des matchs 32e de finale, 16e de finale, et puis on comptait l'euro à partir des demi-finales en fait. Oui, tout à fait. D'accord. Et donc c'était le premier euro que la France a fait. Donc bah, c'est la première, c'est en 1960, ça s'est passé en France. Ils ont fait demi-finaliste, battu par La la Yougoslavie. Yougoslavie, voilà. On menait 4-2 et ils étaient revenus dans les dernières minutes à Voilà. 4-4 et puis ils gagnent à la dernière seconde, quoi, 5-4. Exactement. Et donc c'est après bon, l'équipe de France perdait au niveau de quart de, enfin, c'est même pas les quarts de finale, mais perdait dans les premiers tours, n'allait pas très loin, et jusqu'en 84 où là, bah, les hôtes de cet euro, on va continuer sur là-dessus. Elle tombe en demi-finale contre le Portugal. Pour moi, personnellement, ce match-là, c'est peut-être un. Ben, j'étais pas né, mais en revoyant le truc, pour moi, c'est un des plus beaux au niveau de avec France-Italie de 2000. Mais pour moi, c'est un des plus beaux niveaux émotion. Je Oui, sais c'est pas pour clair. vous, je sais pas pour vous si c'est pareil, mais ce match-là, c'est un des matchs que je peux essayer, que je pourrais voir. Alors peut-être pas tout le temps en entier, mais je me lasserai pas du but de Platini, le tout dernier, là, à la 119e minute. Je me lasse pas de le regarder celui-là, parce que voilà, c'est le but de la délivrance de ce match, hein, parce que c'est vrai que le Portugal a quand même enfin, en 84, avait une très belle équipe. Et donc, justement, Domergue, on en parle maintenant, Domergue qui met 2 buts, ça fait comme En un Thuram qui coup avait jamais franc, marqué. Voilà. en pleine lucarne, tout le monde Ouais. attendait Platini, qui avait été victime de la faute, Et et en il fait, met c'est un coup franc Domergue. de l'extérieur du pied, et est parti, mais comme une fusée. C'était un Voilà. truc de. Le coup franc de sa vie, quoi. C'est le truc. Exactement. Et puis bah après la 115e minute, il reprend un ballon qui avait été relâché par je sais pas qui, Oh, là, il c'était le reprend un bordel ballon. ce Ouais, match. c'est un peu un cafouillage dans la surface. Et puis Domergue qui marque son 2e but. C'est un défenseur qui avait jamais marqué en équipe de France. Thuram a fait pareil contre la Croatie. Donc voilà. Et Platini, bah, qui marque à la 119e minute après un long rush de Tigana. Tigana et Tigana. puis une passe en retrait pour Platini qui attend avant de frapper. Je crois Ouais, qu'il le fait contrôle juste avant, c'est incroyable. voilà. Et après il frappe et puis Le bah là sang-froid c'est qu'il a à ce moment-là, c'est impressionnant. Tu sens le mec qui est en confiance, qui est sûr de sa force de toute et qui au moment façon de conclure, voilà. il tremble pas, quoi. Il l'avait dit en 84, j'étais pas blessé. Et il a fait une campagne européenne formidable que 82 et 86, il avait des problèmes, ça devait être au genou, hein, c'est ça? Ouais, c'est Il ça. était blessé Ouais, puis il et y avait bon une bah il a pas tendinite été en à 100, voilà, 86. il avait pas été à 100% lors des deux Coupes du Monde. Et là, donc c'était son euro à lui et il s'est montré. Là, il en est à son 8e but. Bah, ça n'a pas été un match facile, n'empêche, contre le Portugal. Je sais pas, est-ce qu'il y avait de la tension, il y avait quelque chose, est-ce qu'il y avait encore les doutes qui s'installaient avec ce qui s'était passé en 82? Qu'est-ce qui se passe en fait à ce moment-là? Bah non, après la grosse difficulté, c'est à cerner un peu le Portugal, parce que on connaît pas vraiment cette équipe-là. Bon, à part Chalana, qui est le joueur un peu le plus en vue de cette équipe, on connaît pas grand monde, parce que bon là, au niveau médiatique, mais sur la scène européenne, bon, les clubs portugais en Coupe d'Europe, si tu veux, bon, à part Benfica, qui de temps en temps est un peu là, mais. Voilà, c'est. On connaît pas trop cette équipe. Et puis, bon, ben, comme on l'a dit, le match, le groupe B, ça a été vraiment ennuyeux. Donc on a pas trop d'avis sur cette équipe-là. Et puis on se rend vite compte que ben ça joue vite. Ça joue technique, ça joue très très vite. Et surtout, il y a une révélation pour moi dans cet euro, c'est Jordão Ah oui. pour Portugal, parce que c'est lui qui nous met les 2 buts. Ces 2 buts sont magnifiques, hein. Et en plus, si tu regardes les buts qu'il te met, bah ben, c'est Le premier du. but, c'est un coup de tête, mais Ouais. Bats, il finit dans les filets, Ouais, il va se cracher contre le le filet, petit ouais. filet. Ouais. Mais Jordão, pour moi, il avait un peu le. Si tu regardes les images, c'est un peu du Sonny Anderson quand il marchait sur l'eau, Ah oui. tu vois. C'est un peu le même niveau, quoi. Et ce mec-là, voilà, on était focalisé sur d'autres joueurs. Et c'est lui qui nous fait très très mal. Et quand le Portugal. Quand il met le 2e but, là c'est. Enfin pour moi c'était fini. Hein. Parce que la façon dont est marqué le but, et là tu sens qu'on est douché, quoi. On a pris un coup sur la tête, La quoi. volée qui pour les plus jeunes, la volée en fait c'est une volée écrasée qui prend un rebond et Voilà, qui avec lobe. le rebond, le ballon prend de la vitesse et ça lobe Joël Batz, il peut Ouais, absolument c'est rien. énorme. C'est énorme. Même sur console, tu peux pas le marquer ce Non, but. c'est clair. C'est clair. Combien de temps il reste quand il y a 2-1 comme ça là? En C'était fait, dans il y la avait un partout, prolongation. il y avait un partout, hein, c'est ça. Il y avait un partout à la fin du temps réglementaire. Après, Ouais, Portugal mène c'est 2-1. voilà, Ah d'accord. Portugal C'est les mène 2-1, ouais. prolongations déjà alors. Voilà. Ouais, c'est déjà les prolongations, ouais, quand il met le Oui, but. c'est dans les prolongues. Ok. Donc il restait Donc. grosso modo, si j'ai pas de bêtises, c'était la première période de la prolongation. Donc il restait allez, un quart d'heure donc de la deuxième partie, plus Ouais. ce qui restait bah, de la première partie de la prolongation. Donc grosso Oui, modo, parce allez, on va que. dire 20 minutes Voilà. Puisque grand les. max. les deux derniers buts français sont marqués dans la deuxième mi-temps de la prolongation. Ouais. 115e pour Domergue et puis bah 119e pour Platini. Il y a une petite, j'avais vu un reportage sur Platini il y a pas longtemps. La petite anecdote, c'est que t'as l'arbitre qui est un Italien qui dit à Platini, tu pourras me donner ton maillot à la fin du match. Platini fait, tu siffles le match et je te le donne. C'est énorme, mais ça prouve voilà à l'époque. Bah je pense que il y avait plus de proximité, je pense. Voilà. Oui. Voilà. Là aujourd'hui, après je sais pas, mais c'est vrai que c'est énorme. Ah. Le gars, il lui dit. Je pense que si un arbitre s'approche par exemple de Cristiano Ronaldo et lui demande son maillot, je te dis pas le. Bah vous savez ce qui s'est passé, c'est cette saison avec l'Olympique de Marseille ou la saison dernière, je m'en rappelle plus avec comment il s'appelle Njimi qui avait demandé un jeu de maillot ou enfin des maillots. Pour une association d'enfants et ça avait fait un scandale pas possible. Ouais. Voilà, juste pour demander des maillots. Enfin voilà, c'était pas et encore c'était même pas pendant le match je crois. Hein. C'était un après-match. Voilà. Et on arrive à cette finale au Parc des Princes. On est le 27 juin. Alors ça se jouait l'après-midi. Non, c'est joué le soir. Fin d'après-midi, c'était encore jour au début du match. Ouais, en 27 juin, il faisait normalement jour. Le match a commencé à 20h. D'accord. Ah, d'accord. Il faisait encore jour techniquement, ouais. Ah, voilà. À la fin du match, c'était 10h moins le quart, donc il faisait pas encore presque nuit, toi. Tu vois, mais j'ai toujours cru que ça s'était joué à 18h le soir. Tu vois, c'est le truc. J'ai toujours cru ça. C'était 20h. 20h, d'accord. C'était joué à 20h. Parce que je pense qu'ils avaient prévu qu'il y avait prolongation, etc. Voilà. Puis bon, à l'époque, c'est pas la télé qui décidait à quelle heure. Exactement. C'est voilà. Ça, la télé s'était adaptée à l'événement. Non, c'est tout le contraire. Adaptée, c'est-à-dire il y avait l'horaire, le truc était à 20h, et voilà, les télévisions, je crois que c'était sur TF1, puisque c'était Didier Roustan et Michel Denisot qui commentaient la finale. Ils étaient sur TF1 alors. Ouais. Ah, ça allait changer à la rentrée, puisque 84 c'est l'année où Thierry Roland Jean-Michel Larquet passe de la 2 à la 1. D'accord. Mais c'est après l'Euro. Ok, d'accord, très bien. Et donc là, finale entre la France et puis une Espagne assez impressionnante quand même, hein, pour arriver jusqu'en finale, ils ont quand même une paire de bons joueurs. L'Espagne a éliminé le Danemark au tir au but. Ouais. À Gerland. Au terme d'un match, c'était une séance tragique. Et c'est vrai que pour le Danemark, c'était dur. Ouais. Ouais, ils avaient un jeu qui était, on va dire, à fond du début à la fin. Et clairement, sur ce match-là, l'énergie manquait. Ouais. Et donc, ils se sont assez fatigués. Du coup, les Espagnols ont su en profiter pour revenir au score. Je sais plus exactement le scénario du match. Par contre, et donc du coup, voilà, au tir au but, ce sont les Espagnols qui ont su mieux gérer la pression. Ouais. Mais il y avait des joueurs qui, je sais pas s'il y avait déjà Mitchell à l'époque, mais il y avait Santillana. Des joueurs comme ça qui étaient au Real Madrid, qui participaient au renouveau du Real dans les années 80. Mm. Je sais pas s'il y avait déjà Butragueño. Je ne crois pas. Il y avait quand même des joueurs qui étaient qui ne manquaient pas de talent, on va dire. Ouais il y avait Lopez ou Farté, je crois. Effectivement, le Real, comme tu le dis, le Real, la dernière fois qu'ils avaient été en finale, c'était en 80, je crois, contre Liverpool. Oui. Donc il y a eu un petit trou là. Ah, voilà, et de 80. Voilà, et il y en a qui, voilà, il y avait cette génération de joueurs qui était un peu le renouveau. Bon, du Real, mais le renouveau du foot espagnol également, ouais. Ouais, qui avait fait une Coupe du Monde très décevante en termes de jeu. Complètement nul. Et en 84, du coup, il y avait une progression. Là, il y avait vraiment. En 2 ans, ils ont fait des progrès énormes, les Espagnols, à cette époque. Je vais vous dire quel joueur du Real il y avait. Il y avait Camacho. Voilà, Camacho. Il y avait Santillana, Callego. Butragueño, il était là. Oui, il a joué aucun match. Parce qu'on l'a pas. Ah, il était remplaçant. 20 ans, il avait 20 ans, il a fait aucun match. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, parce que je l'ai jamais vu, notre ami Emilio. C'est pour ça, ouais. C'est... Je me posais la question. Sur PES, on l'a vu dernièrement, mais. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est pas faux. Et voilà, donc on arrive à cette finale, donc 2-0 avec ce fameux but qui reste dans les annales, la fameuse Luis Arconada, ouais. Avec okay, donc un qui rappelons était quand même un très très bon gardien. Hein. Ah oui, il a fait une. Le problème c'est qu'il a fait une erreur dans sa carrière et voilà, c'est une erreur qui reste mémorable. Coup franc de Platini et Luis. Il l'avait tiré de la même manière que contre les Pays-Bas. Voilà. Arconada qui essaye de récupérer le ballon, ça lui glisse sous le bras et le ballon rentre dans le but, quoi. Ouais. Ouais. Donc 1-0, ça c'était à la. Bah oui, il y avait 0-0 à la mi-temps, hein, c'est ça, il y avait 0-0. Ouais, début de deuxième mi-temps, hein. Ouais, 57e minute. Et est-ce que. Qui menait le plus, c'est la France? Oui, il y a Yvon Leroux, un deuxième jaune en fait à la 85e. Ah, c'est un deuxième jaune. C'est un deuxième jaune qui prend. Je crois que tu as Batiston qui laisse sa place à Amoros. Voilà. Et il fait croire exactement. À Hidalgo qu'il est blessé. Et en fait, il dit non, j'ai envie que Manu rentre jouer la finale. Parce qu'il avait plus 3 matchs, hein. Par rapport à son coup de boule, il avait pris 3 matchs de suspension et du coup. Ouais. Ça c'est un beau geste. Ouais. Ouais, c'était. Et 90e minute, Bruno Bellone qui fait une échappée, il va se retrouver face à Arconada, il pique son ballon. Ouais, extérieur du pied. Ouais. Et c'est vrai que ce but, il est très beau quand même quand on regarde. Très joli passe de Tigana qui récupère un ballon et je crois qu'il lance tout de suite Bellone en profondeur. Ouais. Et c'est vrai qu'avec un joueur qui était Bellone qui était assez rapide, c'était fluide quoi. Ouais, oui. Ouais. Et la France donc, qui remporte. Pardon, ouais, vas-y. Je disais, moi, pour avoir vu le match sur YouTube en entier plus tard, après, longtemps après l'événement, c'était quand même une attaque défense assez longue hein, sur tout le match. Hein. J'ai pas trouvé vraiment les Espagnols vraiment dans le match. Quoi. J'ai l'impression qu'ils avaient un peu raté leur finale, moi. Je pense qu'ils étaient encore sous le coup de la prolongation quelques jours auparavant. Hein. Ouais. Mine de rien, les Allemands tiraient un peu la langue après France-Allemagne. Les Italiens ont su en profiter et nous, on a su profiter de peut-être d'une fraîcheur plus importante que les Espagnols. Ouais. Parce que regarde, peut-être que pour eux, les Espagnols étaient déjà bien contents d'être en finale de l'Euro, eux qui avaient fait une Coupe du Monde si décevante. Ouais, c'est possible hein, parce que moi je me souviens surtout d'une action où t'as une tête arrêtée sur la ligne sur un corner là en première mi-temps des Espagnols et je me souviens pas de grand chose en fait hein. Je vois la France dominer tout le match en fait et corner sur corner, tir sur tir mais la France marque pas et puis faut attendre le coup franc quoi pour qu'il marque en fait. Et ça joue sur un coup de pied arrêté et sur une action à la fin du match le but quoi en fait. Hein, tu vois une équipe de France qui domine énormément mais qui marque pas quoi en fait. Après je crois que les Espagnols avaient joué de cette manière là tout au long de la compétition. Ah ouais d'accord, ah ouais. Puisqu'ils étaient dans le groupe B et que c'était des matchs très serrés la plupart du temps, ils marquent pas beaucoup de buts les Espagnols finalement. Ouais. Certes, ils en marquent 2 contre le Danemark. Ils en marquent 3 en 2. Ils avaient pas beaucoup marqué. Ah, de toute façon, ils font 2 matchs nuls, une victoire. Ouais. Voilà. Ouais, ce qui n'est pas énorme. Hein. Non. C'est pas très convaincant, mais je pense que les Espagnols étaient assez lucides. Ils savaient très bien qu'ils n'avaient pas fait. Ils étaient arrivés en finale, mais ils n'avaient pas été très spectaculaires. Ils ont marqué très peu de buts. Ils défendaient très bien. Donc, ils étaient quand même un peu fébriles en finale parce que quand tu vois, la France, les matchs qu'ils ont fait, c'était un autre parcours. Mmh. Et ils savaient très bien que, à part un contre ou aller au péno, qu'il y avait de grandes chances que la France leur mette la pression. Donc, je pense qu'ils étaient assez fébriles et ils étaient très agressifs. Mmh. Je pense qu'ils étaient très fébriles, les Espagnols, parce que peut-être, ils s'attendaient peut-être pas à se retrouver là, en fait. Hein, ouais. Et par rapport à cette finale, est-ce que sa première fois que la France donc atteignait ce stade, est-ce que on était aussi confiant que là on a été confiant pour l'Euro 2016 pour la finale? Je pense que beaucoup pensaient que la France allait battre le Portugal. Est-ce dans que là il y avait assez similaire au final? Oui. En termes de jeu, enfin, Ah quand je bah dis en oui. termes de jeu, une équipe du Portugal qui, pareil, défendait Oui, c'est vrai, bien. oui, c'est vrai que c'est assez pareil, ouais. Mais est-ce que les gens étaient confiants pour cette finale? Est-ce qu'ils se disaient, bon, bah, avec ce qu'on a vu auparavant, on va la gagner? Est-ce qu'il y a eu un engouement sur cette finale? Bah, à l'époque, c'est difficile à dire parce que la médiatisation n'était pas la même. Hein. Ah ouais. Tu sais, aujourd'hui, voilà, le jour de la finale, tu as eu les télés, les radios, Bah c'est oui, bah oui. dès 7 heures le matin. Bah, dès la veille Et même, hein. voilà, et puis on te montre des mecs, voilà, je suis avec machin, alors qu'est-ce que ce soir? Ouais, on fait monter une mayonnaise qui n'existe même Voilà, pas, ce toi. soir on bat le Portugal Voilà, 19-0, voilà. voilà, voilà. Oui, Et les supporters super confiants, ouais. ouais. Ouais, Voilà, donc 3-0. Ah. ouais, Et footix. à l'époque, bah, ça n'existait pas ce genre d'approche, toi, médiatique. Oui, d'accord. Voilà. Donc, moi, honnêtement, je te dis, c'est un peu comme le Portugal. Enfin, c'est comme toutes les équipes, finalement, on les connaissait très peu. Maintenant, c'est plus facile d'en parler parce que depuis, bah, on sait qui était qui a fait quoi. Mais à l'époque, c'est comme quand on jouait, comme on parlait l'autre fois dans le dernier podcast des clubs engagés en Coupe d'Europe. Ouais. Époque, la plupart des clubs que tu jouais, surtout quand c'était Pays de l'Est, tu les connaissais pas du tout. C'est la surprise. Donc là, si tu veux, l'Espagne, bon, c'était un peu une énigme aussi, parce que je te dis, il n'y avait pas. Voilà, à part Camacho, c'est vrai qu'il était connu. Voilà, bah, c'était bizarre. Donc on avait confiance en l'équipe de France parce qu'on restait sur un exploit quand même face au Portugal parce que c'était mal engagé. Et on savait qu'il y avait une énergie, on savait que Platini portait à lui tout seul l'équipe, il y avait Giresse, Tigana, enfin il y avait vraiment une belle équipe. Mais à part ça, je peux pas te confirmer vraiment qu'on était confiant, je sais pas, parce que c'était quand même assez. On jouait contre des équipes qu'on ne connaissait pas plus que ça finalement. Ouais, d'accord. Ok. Ouais, puis on avait cette tradition entre guillemets, de tomber toujours sur la dernière marche, donc je pense Ouais. que on faisait profil bas. Ouais, tout à fait. Mais c'est vrai que 84, ça a été un peu, voilà, ça a fait du bien à tout le monde. Parce que, bon, le top du top, ça aurait été de battre les Allemands en finale chez Ah nous. oui. C'était le fantasme absolu. Mais les Espagnols, si tu veux, je me rappelle quand ils ont éliminé l'Allemagne, c'était au Parc des Princes. Voilà, ils ont été applaudis parce que les Allemands, bah, En plus 90e minute. ouais, Oui. voilà. Ouais. Donc, et je me rappelle cette image de Schumacher qui est assis dans ses cages. Il est assis au fond de sa cage et il se tient les bras au filet. Et il sait que c'est fini, l'arbitre va bientôt siffler. Et même moi, je l'ai trouvé, il m'a presque fait de la peine, Schumacher, à ce moment-là. Oui. Oui, parce Alors que que. après 82, Schumacher a eu quasiment plus de problèmes de comportement comme il y avait eu en 82, et on Ah, sait parce qu'il a pourquoi. arrêté, Il a arrêté les la dope, produits. on va dire. Oui, il a arrêté les produits, tout à fait. Non, mais je Et pense que même c'est en ça. 86, il a fait preuve à plusieurs reprises de fair play, de voilà, s'il Oui, a. d'ailleurs, il a écrit un livre en 87, je crois, ou 88, que moi j'avais acheté. Et franchement, son récit, il était vraiment touchant. Et finalement, ce mec-là, j'ai arrêté de le détester quand j'ai lu son livre. Ah oui. Mais si tu l'as vu sur Arte, le documentaire qui a été passé sur lui, sur sa période quand je crois il jouait à Stuttgart ou à Hambourg ou je sais pas où. Il jouait à Cologne, je À crois. Cologne, ouais. Et en fait, tu le suis, en fait, il y a un journaliste qui le suit un peu comme les yeux dans les bleus là, pendant sa carrière à Cologne et à la fin de sa carrière et à partir de 82 aussi. Et c'est génial, quoi. C'est un peu comme le documentaire qu'il y avait sur Beckenbauer quand il était au Bayern dans les années 70, là. Ah ouais. Et si vous pouvez le retrouver, là, Oh bah il doit être trop sur Dailymotion ou sur YouTube, ça peut être. Et tu vois Schumacher dans toute sa splendeur qui frime un peu après 82, mais qui est de plus en plus déprimé et limite suicidaire dans ses attitudes, en fait, hors du terrain, en fait. Il a Ah une ouais. espèce de. Tu vois la dégradation du personnage une fois qu'il sait qu'il va sortir du football, quoi. C'est un peu le cas des vieux sportifs, tu sais, un peu qui sont en phase descendante dans leur vie une fois que tout s'arrête, quoi. L'adrénaline disparaît, Ah ouais. mais c'est génial comme documentaire. C'est plus sur sa vie que sur le football, quoi. Et enfin voilà, c'était une aparté. Mais il y a eu d'ailleurs, bon, tout autre chose, mais j'ai appris il n'y a pas longtemps dans un article que il a failli signer au Paris Saint-Germain en 84, un truc comme ça. Ah ouais. Et ça s'est pas fait parce que, bon, déjà, surtout à cause de son équipementier. Parce qu'il avait un contrat avec son équipementier, qui était je sais plus qui d'ailleurs, qui était Adidas sûrement. Adidas, ouais. Et ouais, PSG, c'était Coq Sportif, et donc il voulait que dans son contrat, il pouvait pas jouer pour. Voilà. Et donc il n'était pas engagé avec le PSG, mais le PSG était prêt à le recruter, Francis Borrelli le voulait. Ah, d'accord. Ouais, comme ça, j'ai appris ça il y a très peu de temps. Ouais, c'est pas étonnant, ça arrive encore aujourd'hui. Et... Hein. Mmh. Bah, il y a que Johan Cruyff qui a réussi qui Puma et qui gommait, je crois, l'une des trois bandes des chaussures Adidas. Et puis sur le maillot aussi. Et sur le maillot aussi, ouais. Mm. Ah oui, parce que le maillot des Pays-Bas en 74. Je crois que c'était Adidas, si je dis pas de bêtises. Et ben il y a que deux bandes. Ah oui, il y a que deux bandes sur son maillot. C'est l'unique à avoir que deux bandes, ouais, c'est vrai. Ça, c'est énorme. Hein. C'est vrai. Je sais même pas si ce serait possible de faire ça maintenant. Ah non, pas du tout, non. les contrats publicitaires sont tels que je pense que c'est impossible. Voilà. Donc j'ai l'équipe du tournoi. Je sais pas si tu t'en souviens ou si vous en souvenez. L'équipe du tournoi. Donc au but Schumacher justement. Alors ça c'est surprenant. Ouais. Il a pas été très bon. Enfin, c'est pas de sa faute, je veux dire, mais il a pas été mis en valeur non plus. Non, là je trouve que c'est déjà une connerie, tu vois. Mm. Alors ensuite en défense on retrouve Joao Pinto, Karlan Foster. Joao Pinto. Ouais. Ouais. J'ai pas compris ta question, excuse-moi. Non, j'ai dit, il était déjà là, Joao Pinto. Ah oui, Joao Pinto, ouais. Ouais. C'est le joueur. Non, c'est pas le même. Mais c'est pas le même, hein, ça doit ah, pas c'est être pas le même. Non, c'est pas le même. Ça m'a fait peur. Je me disais aussi. Il a 54. Non, là, lui, il a fait que le FC Porto de 80-97. D'accord. Mais bon, il a quand même joué longtemps, hein, 17 ans. 17 ans de carrière, c'est énorme. C'est beaucoup, hein. Et il a connu la sélection de 83-96. Ah ouais. Qui est déjà pas mal aussi, hein. Énorme. Ah ouais. Et donc ensuite Karlen Forster, Morten Olsen et Andreas Bremer. Ouais, ça va. Il y a pas de français quand même, c'est dommage. Oui. Après milieu de terrain, on retrouve Chalana, Gires, Tigana et Arnesen. Et l'attaque c'est Platini, Rudi Völler. Oh, c'est une sacrée équipe hein, quand même. Ouais. ça fait flipper quand même. Pour la période, là, c'est assez violent. Hein, comme et là, ben, meilleur buteur, Platini. Et puis là, ben, ça reste unique, qu'on le veuille ou non, Platini, 9 buts en 1 euro. Ouais. Et pour être battu, je pense que faudrait vraiment... Match, hein. Ouais. En plus, voilà, avec 8 équipes, enfin, dans 1 euro à 8 équipes, en peu de matchs. Hein, donc ça faisait... En 5 matchs maximum. Hein. Voilà, en 5 matchs. Voilà, donc je pense pas sûr qu'on retrouve ça un jour. Enfin, avec aussi peu de matchs, non. De toute façon, c'est fini. On aura plus d'euros, c'est fini. Les euros à 8 équipes, mais voilà. Non, Michel Platini, 9 buts et après le deuxième meilleur buteur, c'est Arnesen avec 3 buts. Voilà. Ouais. C'est déjà plus standard, on va dire. À ce qu'on voilà, voit c'est plus, ce serait plus logique. Oui. Ouais. Et après, donc, on voit Larsen, Jean-François Domergue, Voleur, Jordao et Machida, c'est ça? Antonio Machida, Frances, avec 2 buts, quoi. Bah d'ailleurs, Jordao, les 2 buts du tournoi, il les met contre la France. Voilà. Exactement. C'était, ce soir-là, il était en état de grâce. Eh oui. Donc voilà, donc c'est première victoire de la France dans un tournoi majeur. On peut pas parler après de déclic parce que l'équipe de France elle s'est complètement enfin à part 86 il y a eu à peu près les mêmes joueurs. Il y a eu les JO la même il y a année. Eu les JO voilà bon ouais, mais les c'était JO. Pas les mêmes joueurs à part Albert en fait c'était ceux qui n'avaient pas joué. Il y avait Bergerot, ouais. Rust, bon il y avait d'autres joueurs qui n'avaient pas de sélection. Il y avait Touvenel de Bordeaux qui avait des lunettes. Il y avait Xuereb pour la photo avec Xuereb. Bah Brisson aussi Brisson ouais. Il y avait Guy Lacombe. Ouais, Guy Lacombe, ouais. Ça, c'est énorme. Bat... Guy Lacombe en équipe de France. Ouais, et déjà ah, moustachu, hein. Je me moque pas, mais. Il avait la même moustache, hein. C'est exact. Il avait Guy pas Lacombe, les cheveux blancs, c'est... mais les mêmes moustaches. Guy Lacombe, ça a toujours été un. Il a fait toute sa carrière en D1, mais il a toujours joué dans des clubs de seconde zone. Il a joué à Tours, à Rennes. Enfin, et le gars, il est en équipe de France olympique, quoi. C'est énorme. Ouais. Il faut dire à l'époque contrairement à la règle d'aujourd'hui qui veut qu'en gros que ce soit les les espoirs, donc les moins de 23 ans, plus 3 professionnels, plus 3 qui ont plus de 23 ans. À l'époque, Ouais. il fallait ne pas avoir de sélection avec son équipe nationale, avec les A. Exactement. Eh oui. Et quand tu regardes là, je suis en train de regarder justement le premier tour de ces JO. La France rencontrait le Chili, la Norvège et le Qatar. Il commence déjà avec deux partout contre le Qatar. Ouais, ça Donc c'est ça énorme. commence déjà mal. But de Jeannot et de Xuereb. Ensuite, ils battent la Norvège, ils les battent 2-1. Donc voilà, avec deux buts de Brisson. Et le Chili font un partout. Donc voilà, tu vois, c'est une victoire, deux matchs nuls. Mais voilà, le deuxième, c'est le Chili avec une victoire et deux matchs nuls, mais avec une différence de but de plus 1, quoi. Ils marquent deux buts et ils en encaissent un. Tu vois, c'est déjà la première le premier tour, il était un petit peu à chier, quoi. Et après, donc il tombe. Je crois que c'est la J'arrive. Yougoslavie, non? En Quart de quart. finale, non, il tombe en quart de finale contre l'Égypte, 2 buts Ah à oui, l'Égypte 0 avant. avec deux buts de Xereb. Et enfin, donc, demi-finale, 4-2 contre la Yougoslavie après prolongation. Avec des buts de Bigota, Jeannot, Lacombe en prolongation et Xuereb. Et enfin, la finale France-Brésil, 2-0, Brisson et Xuereb dans un Rose Bowl presque plein, 101 000 Ouais, spectateurs. gros C'est bol de énorme. Pasadena, oui. Ouais. Et Moi, ce que j'adorais, c'est Henri Michel le sélectionneur, ouais. Moi, j'adorais les cages, la forme des cages. Ouais, carré, ouais, Ah ouais, j'adore ça. Ah bon? J'adore Et ça, c'est toujours le cas c'est toujours le cas dans pas mal de stades, enfin aux USA, c'est la norme. Enfin, et même des Ah ouais, fois, c'est des j'adore. cages genre où tu vois les roues, tu sais, à côté pour les transporter. Enfin, c'est assez Ah, marrant. c'est énorme. J'adore ça. Et bah vous voulez connaître je vais vous dire vite fait l'équipe de France, les joueurs qu'il y avait. Il y avait William Hayash, il y avait Voilà. Michel Bensoussan, Michel Bibard, Dominique Bigota, François Brisson, Patrick Cubaine. Ouais, Cubaine, c'est Putain, ça. Cubaine. Ouais. Ouais, Ouais. Cubaine, Patrice Garande, Philippe Janol, Guy Lacombe, Jean-Claude Lemou, Le Moule, comment on dit Le Moule, Jean-Claude. Lemou, Ah oui, c'est vrai, Le comment Mou, ça se ouais. prononce? Moi, j'ai toujours prononcé le mou. Ouais, Le Le Mou, mou, hein, ouais, le c'est mou. ça. Jean-Philippe Rohr, Albert Rust au but, Didier Sénac, Jean-Christophe Touvenel, José Touré, Xuereb et Jean-Louis Zanon. Et l'entraîneur, Ouais. Henri Michel, qui sera. Ah oui, une petite équipe bien sympa quand même, hein. Bah en fait, Ouais. t'avais que des titulaires dans leur club en D1, quoi. T'avais que des Exactement. mecs quand même qui étaient des tauliers de leur club, quoi. Ouais. Voilà. Et en face, en joueur connu, il y avait Dunga. Oui, déjà. Ouais, déjà, ouais. Après, non, je sais pas, ils sont pas trop connus, les autres. Et ils Médaillé, ont pas ouais. fait carrière au Brésil derrière, Ouais. à part Ouais, Dunga. sûrement, ouais. Et le match de troisième place, c'était Yougoslavie, Italie, avec la victoire de la Yougoslavie. Bah ça, les JO, ils ont toujours été bons aux JO, les Ouais, les Yougoslaves. Yougoslaves, ouais, c'est vrai. Ils réussissaient pas trop à l'Euro, ils réussissaient pas trop à la Coupe du Monde, mais alors les JO, c'était leur... Et sachant que c'était les seuls pays de l'Est qui avaient, puisque en 84, il y avait le boycott des pays de l'Est. C'est vrai. Ah bah oui. Donc c'était la seule nation, on va dire, de l'Est qui participait à ces Jeux Olympiques. Voilà. Et donc la France, avec cette victoire à l'Euro 84, en 85, va rencontrer le vainqueur de la Copa América, c'est ça? L'Uruguay. Ça Exactement, se jouait à Paris, oui. Au Oui. Parc des Princes. Ouais. avec 2-0, je crois, avec un but de José Rocheteau. Touré, de Rocheteau et Touré, c'est Et ça. Touré. Et donc la France a un titre que pas grand monde sait, hein, si tu Bah, lui c'était le demandes. seul, le seul, la seule. C'était ce qui allait devenir plus tard la Coupe des La Confédérations, mais Coupe des c'était la Confédérations, Coupe voilà. intercontinentale. Intercontinentale, voilà. Contre Ouais. l'Uruguay. Et je sais que, enfin, je pense que pas beaucoup de personnes qui s'intéressent au foot, entre guillemets, à l'équipe de France, ne savent que la France avait remporté ce trophée. Après, je sais pas, c'était pas un match. Je sais pas Ah, quel est. l'Uruguay était très décevante dans Ouais. ce match. Il y avait Francescoli, il y avait quand même des joueurs qui Ouais. étaient pas mauvais du tout, hein. Mais sur ce match-là, bah, alors peut-être que c'est le fait de jouer en France, c'est toujours très compliqué, tu sais, pour bah, des équipes sud-américaines, d'autant que à part Francescoli qui s'est exporté, la plupart des joueurs devaient jouer soit en Uruguay, soit en Argentine. Ouais. Et c'est donc je pense qu'au niveau du déplacement, c'est peut-être peut-être pas un problème de décalage horaire, parce qu'il devait arriver plus tôt, Oui, peut-être un peu beaucoup plus tôt. plus tôt, Mais voilà, c'est toujours compliqué. Même c'est par exemple quand c'était la Coupe intercontinentale des clubs, des Ah matchs en oui. aller-retour, il y avait des scénarios de matchs des fois, que ce soit au Brésil ou en Europe, c'était C'était pas différent, facile quoi. à jouer, ouais. Ouais. Donc voilà, bah c'est tout ce qu'on peut dire à peu près sur cette Euro 84. Je pense que la prochaine émission, bah, je le ferai avec toi, Johan, ce sera sur l'Euro 2000. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire aussi. C'est une autre époque. Ah oui. Il y a beaucoup plus d'équipes. Mais je pense que cet Euro est quand même sympa Pour moi, aussi. l'année 2000, c'est un peu la fin Voilà. de, comme je dis, la fin de l'âge d'or Du déjà des clubs football. français en Des Coupe clubs. d'Europe. Et puis, c'est un peu la fin du. C'est vraiment la période à partir de 2000, l'arrivée au nouveau millénaire. C'est vraiment, on entre vraiment encore plus dans une autre ère, quoi. Ouais. 2000, c'était encore bon. Larry Bosman commence à faire son effet, mais Exactement. c'est pas encore. On n'est pas encore dans les dérives qu'il allait avoir par la suite. C'est 2000, c'est un peu une bascule, quoi. Enfin, c'est l'impression que j'ai, quoi. N'y a pas encore tout ce pognon qui va gâcher un petit peu le football qui va. Ah, il y a déjà. Il y a, oui, Oui, il y a non, mais déjà. bien Il sûr. y a déjà. C'est Moi, je les pense. années 90, c'était déjà. Je sais que toi, Oui. rétro, le début 90, après, t'as Ouais. complètement décroché parce que c'était. Ah ouais, Déjà, mais ça moi, ouais, commençait moi. beaucoup, quoi, ouais. Ouais, moi, carrément. Mais je m'en rappelle en 2000, je crois que c'est notre ami Fabrizio Ravanelli qui joue à l'OM à ce moment-là. Ouais. Ah oui. Il y a sa fiche de paye qui avait circulé, il touchait 900 000 francs. Donc voilà. Donc là, le pognon, il était bien là, si tu veux. Ouais, Oui, c'est non, mais sûr. c'était pas de ça que je parlais, mais c'était il y a une bascule, quoi, qui se fait après 2000. Ouais, c'est clair, non, mais c'est clair qu'on n'allait pas dans le bon sens, hein, mais. Donc c'est encore C'était et autre puis au chose. niveau du jeu cet Euro 2000 c'est un tout autre niveau que ce qu'il y a en 2016 quoi. Ah bah bien sûr. Ah, largement, ouais. Donc Ah oui, c'est clair, ouais. Bah justement, là moi pour moi, mon match préféré, je t'y avais envoyé Johan, c'était le Yougoslavie-Espagne. T'as la Yougoslavie qui mène 3 buts à 2, c'est ça? À la 90e minute. Donc on pense tous que la Yougoslavie va gagner. Penalty à la 92e minute pour les Espagnols. Égalisation et 95e minute reprise de volée de. Mendieta, non? Non, c'est Albert. C'est pas Celades, je m'en rappelle plus. Alfonso. Ah, Afonso, ouais. Alfonso qui marque une reprise de volée d'on ne sait où. L'Espagne gagne 4 buts à 3. Pour moi, c'était un. Celui-là, c'était vraiment un match de fou, quoi. C'est vrai Ouais, que l'Euro d'ailleurs, 2000 nous a donné des très bons matchs aussi, quoi. c'est Giroud qui commentait ce Oui, je m'en match-là. souviens. Je m'en rappelle. Ouais, je m'en souviens, ouais. Alors, je sais plus si c'était Christian Jean-Pierre ou quoi, mais il y avait Giroud, c'est sûr. Ah oui, bah oui, ouais, alors, oui, généralement, il était avec. Ouais, c'était souvent Christian Jean-Pierre et Giroud, ouais, c'est vrai. Ouais, Ça, à mais l'époque, c'était le deuxième duo après Tirol Jean-Michel Larqué, c'était. moi, je trouve que Christian Jean-Pierre se débrouillait mieux avant. Que maintenant, hein, Bah, en fait, tant qu'il était numéro 2, voilà. c'est ça, hein, c'est. Ouais, parce C'était. que ouais, c'était le numéro 2. Après, t'avais de temps en temps, je me souviens, c'était pour les matchs de Coupe Intertoto quand c'était sur TF1. T'avais Vincent Hardy avec celui justement qui faisait les résumés. Pascal Praud Bah, il y avait Pascal Praud, puis t'avais aussi et celui Vincent Hardy, ouais. qui faisait les résumés des fois sur Téléfoot à Et juste l'époque. avant, il y avait Philippe Houy aussi. Ouais, voilà, bah, c'est lui Ah là, mais voilà. Philippe Houy, c'était le top. Bah, Ah oui, c'est un très bon journaliste, hein, c'est lui franchement. qui faisait Ah Philippe les, Houy, c'est bien c'était lui qui top. faisait justement les commentaires off des matchs de championnat. Oui, Oui. Philippe Voilà, Houy, bah ouais, dans les voilà. années 80. Philippe Houy, dans les années 80, il faisait les voix off, oui, sur les résumés. Ah ben moi, pour moi, c'est un des meilleurs. Ah ouais, c'était énorme. Philippe Houy, j'adorais. Yves Kupferminck aussi, Ouais. pour ceux qui connaissent. Non. Ouais, Excusez-moi. si, ouais. Ouais, je vois qui c'est, moi. Ouais. Non, il y avait des mecs, il y avait une science, il y avait une façon de raconter le match, c'était Voilà. ouais. Voilà, et Et puis ils c'est avaient pour une ça culture du du foot qui footballistique. était très développée. C'était tous des mordus de foot. Ouais, Je sentais que ouais, ouais. c'était. Il y avait Myriam Mako aussi, mais bon. Marianne Mako, ouais, que Feu, notre feu ami Marianne Mako. Thierry Roland n'en voulait pas. Roland n'en voulait Elle n'a pas, ouais. rien à faire là. Faut dire, Faut dire malheureusement son rôle était très secondaire. Hein. Bah, elle s'était fait virer après avoir justement fait un reportage sur un joueur. À un moment, on le voit tout nu dans le vestiaire. Voilà, c'était. Et ça n'a pas plu du tout à la direction de TF1. Et puis justement, après, Thierry Roland avait rajouté son petit grain de poivre dessus, son petit grain de sel, en disant qu'une femme avait rien à faire dans le dans une émission de foot. Là, mon Dieu. Donc voilà, bah écoutez, je vous remercie tous d'avoir participé à cette émission. Bon, c'est la première, c'est peut-être pas forcément, ce sera pas forcément la meilleure, mais il y en aura d'autres. On va sûrement s'améliorer au cours des autres émissions. Je parlerai beaucoup de l'Euro, un petit peu des Coupes du Monde aussi. Bon, Coupe du Monde 82, on en avait déjà parlé lors du tout premier qu'on avait fait ensemble, mais je pense qu'on pourra parler de la Coupe du Monde 86. Pourquoi pas même de celle de 78 aussi, parce qu'il y a des choses intéressantes sur cette Coupe du Monde Ah, là, il y a 78. beaucoup à dire là. Voilà, donc je pense que Rétro, tu seras assez. Tu pourras nous éclairer dessus. C'était un coup d'état, mais footballistique, on va dire. Voilà. C'est vrai. Avalanche, hein, on remerciera Avalanche d'avoir donné la Coupe du Monde à un pays sous dictature. Voilà. Ah bah oui, puis ils l'ont donné dans tous les sens. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. Pourtant, Ah, le France-Pérou, non, l'Argentine-Pérou, c'était grandiose. Hein. Ah bah oui, là c'était. C'était Mais le. j'adore Mario Kempes, hein, j'adore ce joueur. Ah bah lui, il a fait le taf, hein. Ouais, lui là, mais bon, le reste est à vomir, quoi. Bah ouais. Ouais, c'est le point qu'après le match, il y avait le consulat du Pérou avait brûlé. Enfin, c'était le truc. C'était la Mais folie, bon, presque. c'est là que la FIFA n'a pas eu besoin de Blatter pour faire des magouilles. Hein. Ah non, mais Avalanche. Ah, c'était. Ouais. Il a déjà un quasi gratiné, lui. Hein. Ouais. Lui, dès qu'il pouvait faire du pognon, si ça impliquait de donner la Coupe du Monde à un pays sous dictature, bah, il le faisait. Hein. Ça, il n'y avait Ouais. pas d'embrouille. Et d'ailleurs, Blatter, à cette époque-là, il était aux Il est finances, quoi, un truc. Il était adjoint en plus. adjoint d'Avalanche, il a tout appris avec lui. Voilà, c'est ça. Il a Ah, dit, là où il y a formidable. l'argent, c'est là qu'il faut. Voilà. Eh ben, écoutez les gars, merci beaucoup pour ce premier podcast. À très bientôt et puis C'était très agréable. voilà. Et puis De à très rien. bientôt alors. Salut les gars. Salut. Salut. Salut.